cœur pour me plaire. Elle m'attire et j'en crève. Elle est plus qu'un mauvais rêve. Une seule envie, le voir dans mes insomnies. Viens voler ma vie dans l'antre de mes nuits. Je m'approche, elle devrait se méfier. Je ne veux plus rien ressentir. Fais de ma peine une cible. Vise-la pour me guérir.